bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 112.0. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, même si on sent le froid. Il fait très froid. Oh! En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te fout du moins 40, tu vois? Moins 40? C'est le nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le nord. Je t'ai répondu. Alors, ça va. Eh oui, c'est le nord. On habite en région nordique et le froid s'installe au Québec. Maintenant, le kayak étant terminé pour moi, j'ai bien sûr un wetsuit pour prolonger ma saison au maximum, mais la dernière fois que j'y suis allé, j'ai mis les pieds à l'eau et c'était pas chaud. Parce que mon wetsuit ne couvre pas les pieds ni la tête. Donc, je me suis commandé chez Decathlon les pieds et la tête, la protection. Donc maintenant, mon kit est quasiment complet. Il y a juste la protection pour la tête que j'ai dû rapporter en magasin, car j'avais commandé du large et ma tête ne passait pas dans le trou. Pourtant, je ne suis pas un Conehead. Bref, la protection pour la tête ne faisant pas, et en magasin, ben, tout le stock de kayak est déjà rangé, donc ça va aller au printemps prochain pour en racheter. Donc, quand je commencerai la saison prochaine, je mettrai une tuque en attendant d'avoir la protection pour la tête. Maintenant, le kayak étant fini, je me suis lancé dans de nouvelles activités. L'une de celles-là, je me suis mis à réécouter des shows de jeux télévisés japonais. Bon, c'est pas vraiment une activité, mais j'en ai écouté quelques soirées dernièrement et j'ai décidé de vous en parler. Aussi, je m'amuse toujours avec mon Loop Station. Je pense que je suis rendu meilleur là. J'ai mon clavier MIDI, ma RC505 et le logiciel FL Studio. Et voici ma dernière composition. Je viens de terminer de composer ça aujourd'hui. J'ai demandé à mon frère de jouer de la guitare par-dessus. Il y a comme deux endroits où je lui ai laissé 30 secondes pour ses solos. Ensuite, j'essayerai de rechanter par-dessus s'il me renvoie ça. Bref, je m'amuse avec la musique et je vous le fais écouter. Donc, on l'écoute! Donc, vous voyez le genre de chanson que j'ai composée aujourd'hui. Il y a deux endroits qui sont plus vides, c'est l'espace pour que mon frère ajoute de la guitare. Si ça aboutit à quelque chose, je vous ferai entendre dans un prochain Lobster. Sinon, je voulais cette semaine vous parler des shows japonais que j'écoute. Pourquoi j'écoute des jeux télévisés en japonais? Ben, c'est que ce sont les plus malades! Le premier show que j'écoute se nomme Zagaman. Ça veut dire endurance. C'est un show des années 1980. Et avant de vous le décrire, juste vous dire qu'il est dans le livre Guinness des records pour le show télévisé le plus extrême. Donc, Zagaman, le principe est simple. Les participants doivent subir plein d'épreuves plus folles les unes que les autres pour tester leur endurance. Et le tout dans la souffrance et la douleur d'après ce que j'ai vu. Par exemple, dans l'émission que j'ai regardée avant-hier, tu vois des jeunes étudiants attachés sur la plage. Ils sont sur le dos, la tête attachée au niveau du sol sur un genre de rack en bambou. Et là, tu as les vagues qui viennent passer par-dessus eux. Donc, ils doivent respirer quand l'eau se retire. Bon. Déjà là, juste ça, c'est comique de voir ça. Mais il rajoute un niveau à tout ça. Quand l'eau se retire, il y a des gens qui leur tirent du poivre dans le visage. Et pas juste un peu. Entre les passages des vagues, ils leur recouvrent complètement le visage. Donc, en respirant, ils en avalent évidemment. Il y a certains participants qui sont un peu plus intelligents, qui eux, ils respirent exactement quand la vague se retire et qui ont un petit peu le visage propre. Et évidemment, il y en a qui s'étouffent rapidement puis qui déclarent forfait. Ensuite, une autre épreuve que j'ai vue. Ils ont la tête dans un gros bocal. Et là, l'animateur, il remplit le bocal de lait caillé ou de yogourt ou de liquide dégueu. Je ne sais pas c'est quoi, c'est blanc. Je ne parle pas japonais, mais ça a l'air dégueu. Et bon, l'animateur, il s'assure de remplir le bocal pour que le niveau de liquide leur arrive juste sous le nez. Donc, ils peuvent voir encore, mais ils ne peuvent plus respirer. Donc, s'ils veulent respirer, ils doivent manger le stuff blanc avant. Et ça finit par faire de la broue qui monte jusqu'au-dessus de la tête. Et à un moment donné, l'animateur étire un genre de levier pour que ça se vide, pour pas que le participant s'étouffe. Bon, vous voyez le genre de show que ça donne. Maintenant, ça continue. À chaque épreuve, il y a évidemment des participants qui sont éliminés. Et là, nouvelle épreuve. Celle-là, j'ai pas trop compris, mais voici ce que je déchiffre. Ils semblent leur avoir fait boire de grandes quantités d'eau avant l'épreuve. Et ensuite, ils embarquent sur des armes et ils les font tourner en rond. Et c'est lui qui toffe le plus longtemps. Et tu les vois toujours abandonnés pour courir vers les toilettes. Donc, je comprends pas le japonais, mais probablement que ce qu'ils ont bu contient du Hexlax ou de quoi pour faire à la toilette. Car quand ils sont à la toilette, on les entend crier de joie. C'est comme des gros cris de libération. C'est assez extrême. Drinking beer in the Netherlands. But what's the catch? They can't do what they so desperately need to do without dropping out of the game. At the moment of giving in, Itsuhiro finds he's got more self-restraint than he thought possible. Puis ça, c'est pas fini. Non. Tout ça, c'est toujours les mêmes 20 participants du départ qui s'éliminent à mesure que les épreuves avancent. J'ai oublié de dire au départ que pour sélectionner ces participants-là, ils sont des centaines qui doivent maintenir dans l'épreuve initiale un bloc de glace au-dessus de leur partie génitale avec leurs pieds nus. Et les 20 qui durent le plus longtemps, eh bien, c'est eux qui deviennent les participants de l'émission. Évidemment, ils nous montrent les blocs de glace échappés qui leur tombent dessus sur les parties génitales et les participants qui se tordent de douleur. Épreuve du parcours et qu'ils se font tirer derrière un tracteur. Ils sont habillés en short et en petit gilet et ils se tiennent après un rack en bambou. Donc dès que le tracteur avance, ils se font tirer par terre dans le sable et c'est pas du sable blanc. Non, c'est semi-rocheux, pas des grosses roches évidemment, mais c'est comme une plage pas le fun où le sable est trop gros. Je sais pas si vous voyez le genre là. Bref, ça leur écorche les jambes, les bras ou toute partie qui est traînée sur le sol. Ils les tirent tant qu'ils ont besoin d'éliminer du monde. En voyant ça, je me suis dit que la production devait sûrement demander aux participants de signer des releases du style Si vous vous blessez, on n'est pas responsable et vous nous actionnerez pas, car c'est vraiment un show où les participants sont assez malmenés. Et finalement, car oui, il y a une fin à tout ça, on arrive au moment qui reste juste 3 participants. Et devinez quoi? Le gagnant et celui qui va remporter par la fin même un bon paquet d'argent va être celui qui arrivera à perdre 6 livres le premier. Donc, on les voit au sauna pour suer l'eau de leur corps. On les voit faire du vélo stationnaire, faire plein de choses pour maigrir au plus vite. C'est filmé jusqu'à temps que quelqu'un perde 6 livres. Et tu vois que les gars, ils se donnent. J'ai pas compris c'est quoi le prix final en argent, mais c'est sûrement un bon paquet car ils se démènent pour gagner. Voilà! Donc ça, si vous voulez jeter un coup d'œil, ça se nomme Zagaman et c'est moi j'ai écouté ça sur YouTube. Et là, ce que je vous ai pas dit, c'est que je viens de vous décrire seulement un des épisodes. Si vous en écoutez plusieurs, ben vous allez voir que les épreuves sont différentes d'une émission à l'autre. Donc c'est vraiment divertissant. Bon, maintenant, avant de vous parler du prochain jeu télévisé, on écoute une chanson pour vous reposer de ma voix. Cette semaine, j'ai écouté des playlists de power metal, donc on tourne un peu là-dedans. Mais avant tout, on débute avec la chanson Shadow Mine du groupe The Hollow Effect. Et qui sont les gens dans ce groupe? Eh bien, c'est mon frère qui m'a parlé de ça. Ce sont 5 anciens membres du groupe In Flame qui forment le groupe. Donc, moi qui adore In Flame, je suis allé écouter ça et j'ai bien aimé. Donc, je partage avec vous un peu de heavy metal suédois. Bonne écoute! Tatouage. Malbus inacceptable. C'est une décalco, tous mes copains en portent. Si tous tes copains sautaient dans le chaudron bitumeux, tu sauterais aussi? Enfin, papa, je ne suis plus un petit cône. Baisse le cône avec moi. Baisse le cône. Va dans la pièce hygiénique et enlève-moi ça. Et tu t'es mis beaucoup trop de pigments sur les joues et sur la bouche. Down. We shadow minds prevail. De retour au Lobster 112.0. Maintenant, je voulais vous parler... Je voulais vous parler d'un autre show japonais que j'ai écouté. Là, c'est un classique. J'en ai écouté souvent parce qu'il y a plusieurs saisons et plusieurs épisodes disponibles sur YouTube. Et ce show-là se nomme Takeshi Castle. C'est un jeu télévisé japonais qui a été diffusé de 1986 à 1990. Donc, la première épreuve dans ce show-là est souvent la même. Il y a plein de participants, une centaine environ, qui attendent. Et là, l'animateur donne le go. Ils partent tout en même temps et doivent passer par-dessus une grosse barrière glissante ou infranchissable. Et tout le terrain est fait de boue. Donc, ça donne un beau spectacle. Et souvent, dans les saisons 2 et suivantes, ils obligent les participants à porter un costume de mascotte ou de quoi d'humoristique. Et l'animateur, le général Lee, est un sympathique japonais qui s'amuse à taper gentiment sur les participants avec son bâton pour les encourager. Bref, passé la première épreuve de la barrière, les participants doivent toujours se dépêcher et franchir une série de 4 ou 5 portes. Mais pour passer ces portes, dont la majorité est en carton, ils courent et passent au travers. Mais chaque fois, il y a une des portes sur les 4 ou 5 qui est fermée. Et elle n'est pas en carton, mais est plutôt en plywood. Donc, ils frappent durement la porte et tombent par terre. Car pour continuer, faut évidemment arriver dans les premiers, donc ils y vont à fond. Il faut aussi mentionner que deux des portes en carton, elles mènent directement sur un trou de boue derrière et tout ça s'ajoute au spectacle. Bref, tu vois tout le monde qui court et à la fin de cette série de portes, carton et bois, et il y a un bac de farine ou de je sais pas quoi qui est blanc, c'est les 20 premiers qui trouvent une clé qui passe à l'épreuve suivante. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a souvent des gros monstres, des gens de l'émission qui sont déguisés en monstres et qui essaient de leur taper dessus, de leur faire peur, de les attraper pour les faire tomber dans la boue. Bon, je viens de voir sur internet qu'il y a un wiki sur cette émission et ils décrivent les épreuves. Donc, je vais vous lire les descriptions de certaines épreuves pour vous montrer ce qu'on peut voir dans Takeshi Castle. Ma préférée, c'est celle-ci, c'est le labyrinthe. Les candidats doivent traverser un labyrinthe rempli d'adversaires et dans lequel certaines portes ne mènent pas à la sortie, mais directement dans l'eau. Et c'est filmé du dessus. Donc, on voit le candidat ou le couple de candidats, car des fois, il y a des émissions spéciales où les participants sont en couple ou avec un parent ou avec un enfant. Et là, dans le labyrinthe, on voit les trois monstres qui les attendent. Et dès qu'ils ouvrent une porte où il y a un monstre, il part après eux. Et les monstres n'ont pas trop de pitié. Ils savent où sont les portes pour les éjecter du jeu et les tirent souvent vers ces portes. Et quand tu es éjecté du jeu, ben tu tombes dans un gros bassin d'eau. Bref, c'est le fun à voir. Les participants semblent avoir vraiment peur de se faire attraper. Dans un des épisodes, il avait modifié un peu le jeu. Dès le départ, il y avait une genre de fée gentille, mais elle s'accrochait aux deux participants. Et elle ne lâchait pas et elle criait, ce qui évidemment attirait les monstres pas gentils. Bref, c'était un beau spectacle. Il n'y a que les épisodes avec des enfants où les monstres sont un peu plus gentils. Maintenant, une autre épreuve ridicule, c'est la mouche velcro. Revêtus de combinaisons velcro, les candidats doivent franchir un plan d'eau accroché à une corde et se plaquer sur une surface, souvent ornée d'une toile d'araignée, d'où le nom de mouche velcro à laquelle ils doivent rester accrochés. Donc, pour vous donner une idée, les participants ils font comme Tarzan. Ils s'élancent en se tenant après une longue corde de Tarzan au-dessus de l'eau et arrivés au bout, il faut qu'ils se lâchent, les bras grands ouverts en espérant coller sur le velcro qui est après le mur. Évidemment, il y en a juste un sur 10 qui réussit. Les autres prennent des débarques, rebondissent sur le panneau et terminent dans l'eau. Une autre épreuve que j'aime bien, c'est l'épreuve du sumo. Les candidats effectuent un tirage au sort afin de déterminer quel sera leur adversaire lors d'un combat de sumo. Et dans les sumo, il y en a toujours un gros puissant, un moyen et un feluette. Et des fois un nain ou un enfant. Bref, ils tirent au hasard et quand ils pognent le gros sumo, ils se font jeter hors du cercle de belle façon. Ils se font vraiment garrocher en dehors. Mais quand ils pognent l'enfant, là c'est comique, car le petit gars de 6 ou 10 ans, il essaie juste de sauver deux autres en courant. Donc les participants essaient de l'attraper pour le faire sortir gentiment du cercle. Voilà, il y a encore une vingtaine d'autres épreuves. Moi je vous ai parlé de mes préférées. Et finalement, ce jeu, il se termine avec la dernière épreuve du jeu, qui est toujours l'épreuve finale où on comprend rien. Les candidats ont chacun un char et soit un pistolet laser, soit un pistolet à l'eau et ils doivent affronter Takeshi Kitano et ses gardes. Takeshi Kitano, ça c'est l'animateur, lui il a un char spécial. Il est souvent dans les airs, dans un avion qui est tenu par une grue ou dans un gros tank. Et pour gagner, les participants doivent essayer de tirer dans une cible qui se trouve sur le char de l'animateur. Mais bref, cette épreuve ne se nomme pas humoristiquement pour rien, l'épreuve où on comprend rien, car on ne sait jamais qui a gagné. Le show termine tout le temps sans nous dire qui a gagné. Donc, c'est un peu le bordel à la fin. Et d'après ce que je lis dans le wiki, en 5 saisons, ce qui donne 128 épisodes, il n'y aurait eu que 8 gagnants qui ont remporté le gros lot, qui était un gros lot équivalent à 7000 euros. Voilà, c'est un autre bon show à regarder si ça vous dit. C'est Takeshi Castle. En attendant, un peu de musique avant de poursuivre. Et on écoute la chanson La résurrection de Michel, qui est tirée de l'album Michel 2. C'est chanté par Maxime Gervais et les Pépites d'or. Maxime Gervais, c'est qui? Eh bien, c'est un humoriste qui fait partie du groupe Les Picbois avec Dom Massy et Julien Bernatchez. Donc, on écoute sa chanson, La résurrection de Michel. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Eh oui, vous m'avez bien reconnu, je n'ai plus besoin de présentation. Mon nom est Patrick Zorn. Ce soir, je vais vous raconter la suite d'une histoire qui vous a déjà glacé le sang. Préparez-vous à entrer dans l'univers de Michel II. Avant de mourir électrocuté par erreur, Michel avait utilisé une mystérieuse vapoteuse pharaonique pour offrir à l'humanité toute la connaissance contenue dans le cloud. Possédant ce savoir absolu, les voyageurs du cloud se lancèrent dans la production de milliers de podcasts. Une époque connue sous le nom de la dictature du podcast. Bon, vous aurez deviné que c'est comme un album concept cette affaire-là. Si vous êtes curieux d'entendre la suite, je cherchais pour Maxime Gervais Bandcamp et vous allez trouver l'album Michel 2. Vous pouvez l'écouter directement sur Bandcamp ou l'encourager en lui versant quelques dollars pour télécharger son album. Bon, je termine avec mes histoires de shows japonais et j'en ai deux autres. Le premier, Brain War, c'est comme un gros Tetris. Les participants sont habillés en habits de spandex un peu serrés. Et ils portent un casque et au loin, ils voient un mur qui se dirige vers eux. Mais dans ce mur, il y a une forme qui leur permet de passer au travers du mur. Ils doivent donc se placer comme la forme pour passer au travers du mur sous peine d'être poussés et de tomber dans de l'eau. Ce qui est drôle, c'est que des fois, les formes, ils font pas de sens. Des fois, ils sont aussi plus qu'un et ils sont obligés de se mettre un sur l'autre pour essayer de passer dans le trou. Souvent, le mur qui est fait en styrofoam finit par casser en deux. Des fois, les participants, eux, ils restent pris dans la genre de forme qui n'est pas assez grosse pour les laisser passer. Et la seule règle est de ne pas tomber dans l'eau pour gagner des points. Bref, Brain Wall, c'est comique. Moi, j'écoute la version japonaise, mais il y a d'autres versions dans d'autres pays. Moi, j'aime bien les expressions que font les Japonais, d'où le pourquoi j'écoute la version japonaise. Ils sont full motivés, ce qui fait que j'écoute cette version. Et finalement, le dernier show est de quoi de plus récent? C'est le Ultimate Red Bull Soap Box Race. Moi, j'ai écouté la version qui se passe à Tokyo. Bref, c'est juste un parcours que des gens déguisés descendent dans une boîte à savon qui arrive très mal à supporter le parcours. Souvent, les roues qui sont comme des roues de bicycle, ils lâchent avant la fin. Ou les boîtes à savon sont incapables de négocier le gros détour qu'il y a toujours avant la fin. Ils prennent des débarques assez spectaculaires. Donc, si vous aimez ce genre de choses et que vous avez le goût de voir E.T. descendre une côte dans une boîte à savon avant de se renverser et de détruire complètement sa boîte à savon, alors je vous invite à écouter Ultimate Red Bull Soap Race Mayhem in Tokyo. Voilà, ça fait le tour de ces shows divertissants japonais qui n'apportent rien à l'écoute autre que de nous divertir. Rock to the rhythm all night long, feel the bass coming on strong. Maintenant, j'avais mis de côté des petits sujets ou des nouvelles que je voulais vous parler. En voici une nouvelle importante. Publiée le 7 octobre 2021 à 10h34 par l'agence France Presse. Un bucolique pont en bois de la campagne anglaise qui a inspiré l'auteur des aventures de Winnie l'ourson a été vendu pour plus de 150 000 euros. En gros, la nouvelle est là pour nous dire que le pont de Winnie the Pooh s'est vendu à un prix de fou. La nouvelle a dit « Alan Alexander Miles, le créateur du petit ours au ventre bedonnant, appréciait ce pont de la forêt d'Amshdon dans le sud-est de l'Angleterre. Avec son fils Christopher, qui a inspiré le petit garçon ami de Winnie, il y jouait à un jeu de leur invention, le Pooh Stick. Chaque joueur lance un bâton en amont du pont et celui dont le bâton apparaît en premier en aval a gagné. Ce pont qui avait été construit vers 1907 est connu sous le nom de Pussenford Bridge et est devenu célèbre après avoir fait son apparition dans ce classique de la littérature pour enfants. Il a été officiellement rebaptisé Pooh Stick Bridge en 1979. Donc, après avoir été fréquenté et utilisé par des milliers de touristes, il a été démonté en 1999 et remplacé avec le soutien financier de la Disney Corporation. Le pont d'origine a donc été mis en vente après avoir été entièrement restauré et reconstruit, les pièces manquantes étant reconstituées en utilisant du chêne poussé localement. Le nouveau propriétaire, Lord de la Ward, compte l'installer dans son domaine de Buckhurst Park à Whittingham, dans le Sussex de l'Est. Il a dit « J'espère que beaucoup d'enfants pourront admirer le pont original qui a inspiré l'un des jeux les plus célèbres encore joué par les enfants au Royaume-Uni et à l'étranger. » Oh oui, et dès que mes amis apporteront les décorations, nous ferons une fête autour du sapin de Noël et échangerons des cadeaux. Oh! maintenant un autre sujet dont je voulais vous parler, qui est important, la réduflation. Est-ce que vous savez c'est quoi? Vous le savez sûrement sans le savoir. Moi, je connaissais pas le terme, mais j'étais conscient du problème. Je vous donne un exemple et vous allez tout de suite comprendre c'est quoi de la réduflation. Si je vous parle des œufs Cadbury, vous savez le petit œuf de Pâques Cadbury. Eh bien, si vous êtes assez vieux, vous devez vous souvenir que l'œuf avant était gros. Maintenant, il est ridiculement petit. C'est ça de la réduflation. Pour garder l'œuf au même prix depuis des années, ils le rapetissent en se disant qu'on s'en rendra pas compte. Mais dans le cas de l'œuf Cadbury, ils ont tellement abusé que maintenant, l'œuf est rendu trop petit. Selon Internet, c'est en 2009 qu'ils ont commencé à changer sa taille. Et maintenant, en le prenant dans ma main, je me dis, y es-tu malade quand il est vraiment rendu petit? Bref, pour pas monter le prix d'un produit, ils nous en donnent moins. Mais ils sont pas fous. Des fois, ils vont changer la forme de la boîte pour qu'elle soit plus haute. On a donc l'impression d'en avoir plus, mais quand tu regardes le poids, t'en as moins. Donc, c'est ça de la réduflation. Dans l'article que je lisais, eux, ils donnaient l'exemple du jus d'orange. Ils disaient, quand c'est fait à répétition, par exemple, pour le contenant de jus d'orange qui est passé en quelques années de 2 litres à 1,89 litres, puis à 1,75 et finalement à 1,5, au bout d'un moment, le client le remarque. Ben oui, on le remarque, c'est un peu comme les boîtes de biscuits Ritz. Si tu veux pas ramener juste 15 biscuits à maison dans leur mini-boîte, t'as pas le choix d'acheter la boîte format original. Car les autres petites boîtes, une fois ouvertes, moi je trouve qu'il n'y a rien dedans. Oui, elles sont pas chères, mais elles contiennent rien. Mais bon, selon l'article, il paraît que nous, consommateurs, on est plus influencés par l'augmentation du prix que par la réduction du format. Donc, ils nous réduflounent ça pour qu'on reste heureux. Bon, pas de réduflation sur la musique dans le Lobster 112.0. On en écoute encore, qu'elle soit longue ou courte, ce qui importe, c'est que je l'aime. Donc, on écoute un peu de musique. time memories. We're young. L'autre jour, je suis tombé par hasard, sûrement via une publicité, sur le site trends.google.fr. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui montre les tendances pour 2020. Par exemple, quels sont les mots les plus cherchés dans Google par catégorie? Je trouvais ça le fun de vous en parler. Pour le Québec, en 2020, voici le top 5 de ce qui a été le plus recherché. Bon, en premier, on s'en doute, c'est coronavirus, c'est pas une surprise. Mais en deuxième, Zoom. Troisième, élection américaine 2020. Quatrième, PCU. Et cinquième, Martin Carpentier. Bon, c'est qui lui? Je ne le connais pas. Bon, je suis allé voir, bon, c'est une affaire criminelle. Le genre de nouvelles que je skip car j'aime pas ça. Bon, désolé, je le connaissais pas. Bon, pour pas rester sur une mauvaise impression, on regarde les 5 recherches suivantes. Les recherches de 6 à 10 les plus populaires au Québec en 2020 ont été en 6e, Kobe Bryant. Bon, un autre que je connais pas. Je vais aller voir. Si c'est un tueur, j'abandonne cette chronique. Bon, c'est un joueur de basketball. C'est déjà mieux et ça montre l'étendue de mes connaissances sportives. Donc, Kobe Bryant semblait être bien connu et bon, il est mort en 2020. J'imagine que c'est pour ça qu'il est dans le top 10 des recherches. En 7e position, Air Canada Action. 8e, panier bleu. Bon, le fameux panier bleu qui sert à rien. On n'en entend plus parler, mais le panier bleu, c'est un peu comme si on vous demandait en 2021 de faire une recherche sur la toile du Québec. C'est un genre d'annuaire inutile. C'est 10 fois plus rapide de faire une recherche directement dans Google si tu cherches de quoi, plutôt que d'aller fouiller dans cette espèce de panier bleu. Mais bon, continuons la chronique. En 9e place, point de presse logo. Et en 10e, école ouverte. Voilà, ça c'était ce qui a été le plus cherché dans Google au Québec en 2020. Maintenant, on peut y aller par catégorie. C'est amusant. Dans la catégorie top recherche comment, au Québec, on trouve ceci. Donc, c'est des recherches où les gens se demandent comment faire telle ou telle chose. En première position, je dirais que ça doit être sans regarder comment faire du pain. Donc, on regarde. Mais non, c'est comment faire un masque. Bon, un masque de quoi d'Halloween, un masque de beauté, on ne sait pas. En deuxième, comment perdre du poids. En troisième, comment rembourser la PCU. En quatrième, comment couper les cheveux d'un homme. Ici, c'est plutôt comique que ça soit vraiment spécifié homme, car évidemment, j'imagine que les femmes ne se couperont pas les cheveux à la maison. Mais les hommes, pas de problème. Moi, depuis le début de la pandémie, je me coupe les cheveux au clipper moi-même. Bon, maintenant, top des recherches de recettes au Québec pour 2020. Et je suis content de voir en numéro 1, recette de pain Ricardo. C'est magique, c'est donc là que se cachait le pain, dans les recherches de recettes. En deuxième, c'est le terme Geneviève O'Gleeman. C'est qui ça? Bon, je vais chercher. Bon, je l'aime pas trop. C'est une dame que j'ai déjà vue à TV. J'ai déjà écouté une de ses émissions il y a longtemps. Puis c'était des recettes cheap qui se font vite, genre rouler du jambon dans un pita. Mais bon, ça fait longtemps de ça. Là, Internet me dit que c'est une nutritionniste qui cumule les succès. Donc, il semble que c'est amélioré. Maintenant, passons à une autre catégorie. Quand je vous nomme pas les recherches 4, 5, 6, c'est que c'est pas intéressant. Mais avant de poursuivre, c'est le temps de notre moment zen. Bon, en vrai, c'est pas une pause zen, c'est que j'ai pris une pause pour aller me faire une petite fondue au chocolat. Je me suis coupé une pomme en petits morceaux, un peu de chipette dans un bol au micro-ondes, 1 minute 45 à 50% de puissance et j'ai une fondue rapide. Donc ça me prenait ça pour continuer. Avant le moment zen, on a regardé les tendances pour le Québec, mais je suis maintenant curieux de comparer avec nos cousins français. Donc, regardons les tendances pour la France. En premier, coronavirus, comme le Québec. Deuxième, attestation COVID. Troisième, coronavirus conseil. Quatrième, attestation de déplacement sur smartphone. Et en cinquième, coronavirus Italie. Donc, il semble que nos amis français se sont vraiment questionnés sur le virus, alors que nous, on cherchait aussi comment faire des conférences Zoom. Maintenant, dans les comment, les recherches qui ont le mot comment. Comment faire quelque chose en France? En premier, comment se faire un masque? Et là, je viens d'allumer. Tantôt, je me questionnais sur le type de masque. Et non, c'est pas un masque d'Halloween, c'est le foutu masque qu'on porte pour se protéger du virus. Donc, désolé, j'ai juste pas allumé tantôt. C'est tellement rendu une habitude de le porter quand on sort que j'ai pas fait le lien. En deuxième, comment savoir si on a le coronavirus? En troisième, ici c'est rigolo, comment mettre un masque? Quand même. C'est quand même pas compliqué de mettre un masque, me semble. En quatrième, comment calculer son IMC? Et en cinquième, comment faire du pain? Donc, merci la vie. Oui, merci la vie. Je vois que peu importe où on est sur la planète, on a tous les mêmes préoccupations. Faire du pain, c'est un essentiel. Maintenant, on va faire le même exercice, mais avec la Russie. Je suis curieux. Est-ce qu'on se pose les mêmes questions en Russie? On va le savoir. Donc, ça se complique un peu. C'est juste des termes russes, donc je vais activer « Traduire en français » et ça donnera ce que ça donnera comme traduction. Donc, le top des recherches en Russie pour 2020. Premier, coronavirus, c'est notre classique. En deuxième, élection américaine. Troisième, amendement à la Constitution de la Fédération de Russie. Quatrième, combat de Khabib Nurmagomedov et Justin Gagé. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi et ça mérite qu'on s'instruise. Donc, je recherche et il semble que c'est l'événement en MMA pour 2020. Donc, j'en comprends qu'un des combattants est russe et qui a gagné? C'est ça que je veux savoir. Eh bien oui, c'est le russe, c'est Khabib Nurmagomedov qui a remporté UFC 254 le 25 octobre 2020. On aura au moins appris ça. Bon, maintenant, dans les top recherches en Russie sur le mot « comment ». Vous vous souviendrez qu'au Québec et en France, le numéro 1 était « Comment se faire un masque » et moi, j'avais misé sur « Comment faire du pain ». Eh bien, encore une fois, merci la vie. En Russie, le numéro 1, c'est « Comment planter des patates ». C'est-tu pas beau? C'est tellement stéréotypé comme je l'aime. J'imagine la mamouska russe de 85 ans sur son ordi qui cherche « Comment planter des patates? Je veux savoir comment planter des patates. » Mon nom est Mamouska et je veux savoir comment planter des patates dans mon petit jardinet. Меня зовут Мамушка и я хочу знать, как сажать картошку в моем маленьком огороде. Merci la vie. Mamouska, c'est maintenant que tu fais un trou et que tu colises la patate dedans. C'est pas plus compliqué. Спасибо, жизнь. Мамушка теперь знает, что вы проделываете дырку и кладете в нее картошку. Donc, si on continue le top des recherches en Russie sur le comment, en deuxième, comment coudre un masque, qui est l'équivalent de notre numéro 1. Ensuite, obtenir un laissez-passer, donc c'est comme le passeport vaccinal. Ensuite, quatrième, comment rejoindre la bourse du travail. Ici, je crois que c'est une mauvaise traduction. Ça devrait être de quoi en lien avec de l'aide pour ceux qui ont perdu leur travail, comme notre PCU. Et finalement, cinquième, comment retrouver l'odorat. Donc, en gros, nos voisins de Russie cherchent pas mal la même chose que nous, avec la patate en bonus. Et je pense que la seule raison pourquoi nous, on n'a pas comment planter des patates dans les recherches populaires au Québec, c'est qu'on a bien été formé par Télé-Québec, car tout le monde au Québec se rappelle de... Je suis sur le pont de terre, terre, terre, je pousse sur terre, je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis un chou, fleur, fleur, fleur, veux être mangé, et j'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, pousse, pousse, les bons, bons légumes, pousse, pousse, pousse, de plus en plus gros. Miam, miam, miam, les bons, bons légumes, miam, miam, miam, j'ai hâte d'en manger. Nous, on le sait, les patates poussent dans la terre. Bon, on termine ce segment avec les recherches les plus populaires dans un autre pays. Je vais essayer d'en choisir un qui est vraiment éloigné, c'est les îles Tuvalu. Attends, laissez-moi trouver. Bon, finalement, j'ai pris le Kenya, question de voir ce qui les préoccupe en Afrique. On le découvre ensemble. Bon, c'est surprenant. Eux, en premier, dans les top recherches, c'est pas coronavirus en premier. Non, le terme le plus recherché en 2020 en Afrique, c'est Papa Shirandula. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, Papa Shirandula est un acteur kényan qui est mort le 18 juillet 2020. Il jouait le rôle de Papa Shirandula à la télé et il a gagné Best Actor in a TV Series pour ce rôle. Donc, comme on a un budget assez imposant dans le Lobster, on se paye les droits d'écouter un petit bout de Papa Shirandula pour s'éduquer. On l'écoute. Lukua saka nifanye nini? Wewe unajua vile huyu mtu ameangaisha na kusononesha mioyo ya watu. Badala muwe wajanja huku mumuandalie maankuli ya kumushikilia. We unajua magineto hawezi kataa chakula hata awe amekasirika na mnaga. Unasikia vile unaongea? Unajisikia kweli wewe? Unasikia tu vile unaongea? Na mimi nataka kuambia hivi, umwambie kutoka leo anitoe kwa hizo sarakasi zake. Donc, en gros, Papa Shirandula, c'est un... C'est drôle, papa! C'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui vit plein d'aventures. Là, il parlait au téléphone avec la madame, pas contente. Recherche numéro 2 au Kenya, c'est le terme Kobe Bryant, qui, on se rappellera, est un sportif planteur de patates. En troisième, la recherche Président Daniel Moi. Bon, un autre que je ne connais pas. On recherche Daniel Torotich Arap Moi, mort le 4 février 2020 à Nairobi, était un homme d'État kényan, président de la République de 1978 à 2002, qui a succédé à Jomo Kenyatta. On l'écoute dans un de ses discours qui l'ont rendu célèbre et que j'adore, que j'écoute souvent. Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu ama nitastaafu kipindi hiki cha miaka mitano ikisha. Wengine hawakuamini kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika kwamba kuna mtu anaweza kuacha power ya urais. Donc, c'était Daniel Moi dans son célèbre discours vantant la culture de la patate. Bon, pour terminer, en cinquième position dans les recherches au Kenya, Ken Walibora. Qui est-ce? Eh bien, Ken Walibora est un écrivain populaire qui a écrit Siku Ninja. C'est un roman en swahili. Le livre parle de la vie d'un jeune homme né à Tanga et qui fait face à des difficultés. On écoute un petit bout de son livre. Bon, désolé si je vous coupe ça un peu vite. On aurait pu écouter plus de feuilles de livre, mais j'ai tout passé le budget tantôt dans Papa Shirandula. Bon, on se termine ça avec les comment les plus populaires au Kenya. En premier, comment se faire du nettoyant à main? Comment perdre du poids rapidement? Comment avoir un bébé garçon? Est-ce qu'il y a vraiment une réponse à ça? Si je cherche, pour être sûr de donner naissance à un garçon, voici les trucs. Avant de faire l'amour, s'enduire les organes génitaux de cacao. 2. Avant de passer à l'acte, manger des patates. Ah, ça explique la recherche en Russie. Et 3. Pour être sûr d'avoir un garçon, n'écoutez pas les conseils que j'invente. Bon, voilà, c'était ça pour les tendances dans les recherches. On a fait un mini-tour dans le monde. C'était amusant. J'espère que vous avez appris de quoi. Sinon, je termine en vous disant mon truc perso pour planter des patates. C'est plutôt simple. Tu prends le plant, une patate, qui a un germe dessus habituellement, et tu creuses un trou. Tu mets dans le trou la patate et tu remets la terre par-dessus et c'est tout. Voilà, c'est ça le truc. Et s'il vous plaît, ne cherchez pas ça sur Google. Je ne veux pas revoir cette recherche dans le top 10 en 2021. Donc, on écoute maintenant un petit peu de musique. Châssis de blé, châssis de blé, châssis de peuple, peuple. Oublie-moi, oublie-moi, oublie-moi, moi, moi. Moisisseur, moisisseur, moisisseur. Sur, se rappelle, seulement. Manteau crop top, baby fat en janvier, what the fuck. De mes sujets que j'avais mis de côté pour vous. J'avais quand même pas mal de choses à jaser. Mais comme j'ai encore le goût de parler, on va donc poursuivre. Je vais vous parler de La Roue du Temps. C'est une nouvelle série qui sort sur Prime Video. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, mais moi, j'ai lu cette série de livres. Je les ai dans ma bibliothèque et c'est malade. Même si vous pouvez lire dans les critiques qu'en français, c'est pas super bien traduit, c'est vraiment magnifique comme série. Et c'est la première mouture chez Fleuve Noir qui était mal traduite. Donc, si vous l'achetez maintenant, tout a été retraduit chez l'éditeur Bragelonne. Donc, ce problème de mauvaise traduction est réglé. Moi, cette série, je l'ai lue au moins deux fois, mais je sais toujours pas la fin, car l'auteur est mort en cours de route. Mais il a laissé des notes avant de mourir et une autre personne a fini la série. Donc, on s'inquiète pas, il y a une fin à cette série. Mais en français, c'est pas fini de traduire. En anglais, la série est terminée et il y a 14 livres. En français, ben eux, ils splittent chaque livre en deux, ce qui devrait nous donner 28 livres. Mais présentement, on est rendu à 20 seulement. Mais ça sort à vitesse grand V. Juste en 2021, ils ont sorti 6 nouveaux livres. Donc, ça devrait être fini de traduire d'ici quelques mois, 6 mois maximum, car ils profitent évidemment de l'engouement que va créer la série sur Prime. Donc, comme je vous dis, l'histoire est écœurante. Il y a des concepts là-dedans vraiment bons. Les voies, par exemple. On parle ici de voies comme des chemins. Donc, pour aller d'un endroit à un autre, il existe des genres de passages rapides qui sont bloqués par des grosses portes en pierre. Ils sont nommés les voies. Quand tu rentres là-dedans, tu n'en ressors pas toujours cependant, car il y a un genre de malédiction qui, au fil des années, est tombée sur les voies. Il y a de quoi qui rôde dedans. Mais il y a une créature ancienne, une créature d'une race ancienne. De mémoire, c'était un augier, je crois. Lui, il connaît le secret des voies et permet permet aux bons compagnons de passer dans les voies car il sait lire les signes qui permettent de les emprunter. Cette créature ancienne, qui connaît plein de choses et qui note tout, lit tout et documente tout, va devenir l'ami du héros principal. Ça, on le voit pas dans la bande-annonce, c'est un secret. J'ai bien hâte de voir à quoi va ressembler cette créature. Ensuite, un autre concept intéressant de la série, c'est que dans ce monde fantastique, c'est juste les femmes qui ont le droit de faire de la magie. Quand un homme fait de la magie, les femmes l'attrapent tout de suite, car les hommes, ils sont plus forts à la magie, mais ils deviennent fous en l'utilisant. Et chaque fois qu'un homme se met à la magie, ça finit en guerre et en gros bordel, car ils virent fous. Ce qui nous amène évidemment au sujet principal de l'histoire, c'est un jeune homme qui est comme l'élu, il s'appelle Rand, R-A-N-D, et lui va réussir à contrôler sa magie, pas au début, comme les autres, bon ça va être le bordel pendant un bout de temps, et évidemment ils vont essayer de l'arrêter. Mais il y a des femmes qui vont plutôt choisir, au lieu de l'arrêter, de l'aider, car il y a une fille de son village qui vient de devenir magicienne, et elle le laissera pas tomber. Je me souviens pas exactement, mais je crois qu'entre les deux, il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est juste une amitié à toute épreuve. Et il va s'avérer que cette amie de Rand a un don, elle a des méga pouvoirs, mais elle a un blocage, il me semble. Et pour débloquer, elle va balancer entre le bien et le mal, car évidemment, il y a un méchant là-dedans, un genre de ténébreux enfermé. Et les femmes qui sont du côté du ténébreux sont vraiment méchantes. Quand tu le lis, c'est des poffines. Elles sont traîtres, elles manigancent dans le dos des gentils et on souhaite juste une chose en lisant l'histoire, c'est qu'elles se fassent pogner et bloquer. Ce qui arrive, comme je le vous disais, à environ 90% du temps, car évidemment, ce qui fait que c'est bon, c'est que l'histoire est bien ficelée et que tout finit par se recouper. Et de ce que j'ai lu, car je ne connais pas encore la fin, c'est l'amitié qui permet au héros de tenir le coup. Bon, je vous ai-tu donné le goût d'écouter ou de lire la série? L'intrigue est vraiment forte dans les livres, il y a beaucoup de trahison, mais c'est le fun à lire, car les dénouements, bon, comme je vous disais, se font à 90% en faveur des bons. Donc, des fois, on n'est pas content, mais quand ça se règle, on dit « ouf ». Souvent, je lisais des bouts et je me disais « enfin », quand ça débloquait. Bon, moi je compare cette histoire au Seigneur des Anneaux. Sans avoir eu la force d'avoir tout inventé un monde comme dans le Seigneur des Anneaux, l'auteur a eu tellement de bonnes idées qu'à mon avis, c'est aussi bon que le Seigneur des Anneaux. Et en regardant la bande-annonce, on voit qu'Amazon Prime ont joué gros. On dirait qu'il y a du budget, donc c'est vraiment bon signe. Je pense qu'on va écouter ensemble la bande-annonce pour se mettre en appétit, mais avant, je vous lis le synopsis de cette série que j'ai trouvé sur le wiki de la série. Synopsis. La roue du temps suit Moiraine, un membre de la puissante organisation féminine de Channeler, appelée les Aes Sedai, qui prend un groupe de 5 jeunes originaires d'un petit village à la suite d'une attaque des forces du Ténébreux, une entité maléfique malveillante qui cherche à détruire l'existence. Parmi ces 5, elle pense que l'une pourrait... Parmi ces 5, elle pense que l'un pourrait être la réincarnation du dragon, un héros ancien et un puissant channeler qui est prophétisé pour sauver le monde ou le détruire. Bon, ah oui, maintenant je me souviens de Moiraine. Elle, c'est une magicienne, une Aes Sedai puissante. Elles ont le pouvoir de briser les liens magiques qui permettent aux hommes de faire de la magie. Quand elles se mettent en gang, elles peuvent briser ces liens internes. Puis une fois que ces liens sont brisés chez un homme, il devient inoffensif, mais il en meurt quelques années après vu qu'il est bloqué de sa magie. Et évidemment, Rand, notre héros, ils vont vouloir lui briser ses liens pour le rendre inoffensif, mais l'amitié. Ah oui, l'amitié est forte et va l'aider dans sa quête. Bon, on écoute la bande-annonce pendant que je vais chercher le tome 1 dans ma bibli. Je me relance dans cette lecture qui est tellement bonne. On écoute la bande-annonce. Sois forte. La roue du temps tourne. Et les âges naissent et meurent. Laissant des souvenirs destinés à devenir légendes. Ce pouvoir en toi porte différents noms à travers le monde. Mais c'est le même. Le pouvoir de l'unique. Nous, les femmes qui le canalisons. Nous protégeons le monde. Peu importe ce qui arrive. Peu importe la souffrance. Ou le chagrin. La roue continue de tourner. Le ténébreux cherche des amis. Il fait une bataille approche. Tout va dépendre de ce que tu feras. Désormais, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Moi, ça me donne le goût d'écouter cette série. Hier soir, car une nuit s'est écoulée depuis que j'ai débuté mon enregistrement du Lobster, j'ai recommencé à lire le tome 1 de La Roue du Temps. Je suis rendu à la page 50 environ et je suis déjà bien pogné dans l'intrigue. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les Aes Sedai sont puissantes, mais il y a encore plus puissant qu'elles. On ne le voit pas tout de suite au début des premiers livres, là, mais ça vient plus loin dans la série. Ce sont les 13 réprouvés. Eux, ce sont les 13 puissants magiciens, hommes et femmes, qui servaient le ténébreux, qui est maintenant enfermé, puis eux aussi avaient été enfermés en même temps. Mais, durant la longue histoire, ils vont sortir. Oh oui, et certains vont s'intéresser à Rend, car Rend est là pour les contrer une nouvelle fois. Et par divers manigances et intrigues, certains des réprouvés vont finir par être obligés de travailler avec lui et de lui apprendre des sorts oubliés. Donc Rend va devenir puissant et son ami de fille du village qui l'aide aussi. Bon, j'en ai quasiment des frissons. Voilà, pour en savoir plus, il va falloir s'abonner à Prime Video ou bien le télécharger d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse choisir. C'est sorti le 19 novembre sur Prime et la saison 2 est déjà en train d'être tournée, c'est signé, donc la pérennité de la série est déjà assurée. À mon avis, c'est aussi gros que Game of Thrones sans tout le sexe et la violence qui avait fini par me tomber un petit peu sur les nerfs dans Game of Thrones. Sinon, pour encore plus de plaisir, vous pouvez toujours le lire! Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de Lobster. On se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être comme une suite à ce Lobster. Cette semaine, on a appris comment planter des patates. Donc, la semaine prochaine, on apprendra comment les cuisiner. C'est toujours important. On peut faire des tourtières, on peut faire des crotons avec des patates. Il y a plein de choses à faire avec les bonnes patates. Donc, je vous souhaite une bonne fin de Lobster. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye! Hey, mon ami! T'aimes ça manger des patates? Des patates pilées, des patates frites, des patates cheese, oui. Ben, Uncle Tom, il y a un super patente pour toi qui aime beaucoup les patates. Le Willy Waller 2006. Avec le Willy Waller 2006, là, ça va pas te prendre 3 fois moins de temps à éplucher des patates, ni 4 fois moins de temps à éplucher des patates. Non, avec le Willy Waller 2006, là, ça va te prendre 2 fois moins de temps pour éplucher des patates. Ben là, tu dis, wow, minute, Uncle Tom, là, c'est impossible, là, ce que tu dis avec ta bouche. Ben arrête de nous bullshitter, Uncle Tom, là. Ben je comprends parfaitement ton scepticisme. Mais check bien la démonstration que m'a te montré, OK? À droite, une grosse patate avec un Willy Waller 2006. À gauche, une autre grosse patate, pas de Willy Waller 2006. Ben watch bien la difference, OK? Attention, 1, 2, 3, 4, go! Hey, le vois-tu comme c'est plus facile avec le Willy Waller 2006, hein? Le vois-tu comme c'est beautiful, hein? Mais le plus extraordinaire, là, c'est que pour seulement 4 paiements faciles de 29,99, là, sais-tu combien tu vas en recevoir de Willy Waller? Pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 14 Willy Waller 2006. Unbelievable. Tu vas pouvoir en mettre un partout ce que tu veux. Dans l'auto, dans le salon, dans le chalet, dans les toilettes, dans le bureau. Tu vas même pouvoir donner à tes amis. Ben, depuis que le Willy Waller 2006 est entré dans ma vie, là, je capote. Je vous jure, depuis que j'utilise le Willy Waller, là, ben, mes pétates, là, ils goûtent pas mal plus bonnes. Merci, Uncle Tom. Merci. C'est pas beautiful, ça, hein? Appelle tout de suite pour ce fantastic offer. Sors ton credit card, puis compose le number à l'écran, là. Puis si t'appelles tout de suite, là, on va même t'en shipper une poignée de plus. Je te jure, avec ton Willy Waller 2006, là, jamais manger des bonnes pétates aurait été aussi facile. Coupé! On va faire une petite dernière, là, mais avec plus d'énergie, OK? Attends, voyons, c'était bonne celle-là, là. Ah, mais un petit peu plus d'énergie, là, ça va être parfait, OK? Tu veux genre un peu plus gros tata, c'est ça? C'est ça, c'est en plein ça. Ah ouais, let's go, là. Dans 3, 2, 1, action! Hey, mon ami, t'aimes ça manger des pétates?